إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله إن أوجب الواجبات على العباد معرفة توحيد الله عز وجل وما يضاده من الشرك والخرافات والبدع لأن التوحيد هو الأساس أساس دين الإسلام وهو الأصل الذي خلقنا لأجله ودعا إليه جميع الأنبياء والرسل وقبول الأعمال متوقف على تحقيقه وكمال تحقيقه من أسباب دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب عباد الله إن مما يضاد التوحيد وما يعتقده بعض أهل الجاهلية وأتباعهم في هذا الزمان من اعتقادات وبدع ومنها التطير والتشاؤم وهذا لم يكن حادثا عند العرب في جاهليتهم بل كان موجودا في الأمم التي سبقتهم فقوم صالح عليه السلام تشامأوا منه وقالوا اطيرنا بك وبمن معك وأصحاب القرية تشاءموا بالمرسلين وقالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم وآل فرعون تشاءموا بموسى ومن آمن معه كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى عنهم بقوله فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وكفار مكة كانوا يتشاءمون من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وينسبون إليها ما يصيبهم من شر كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله والمنافقون في هذا العصر يتشاءمون من أهل العلم والخير والصلاح وينسبون إليهم كل مصائب الأمة فتارة ينسبون التخلف إلى التمسك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويسمون العلماء والدعاة بالرجعيين بل إن أكثرهم والعياذ بالله يتشاءمون من دين الإسلام ويزعمون أنه سبب تأخر المسلمين فأولئك هم أتباع المشركين الأوائل يجمعهم العداء للتوحيد خاصة وللدين عامة وكثير من الرافضة يكرهون التكلم بلفظ العشرة أو فعل شيء يكون فيه عشرة حتى البناء لا يبنون على عشرة أعمدة لكونهم يبغضون خيار الصحابة وهم العشرة المشهود لهم بالجنة ومن الناس من يتشاءم ببعض الأيام أو بعد الشهور أو بعد الأرقام. فمنهم من يتشاءم من شهر صفر كما كان أهل الجاهلية، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. فالتشاؤم بالأزمنة أو بالأشهر أو ببعض الأيام أمر يبطله الإسلام. وشهر صفر شهر من أشهر الله وزمان من أزمنة الله، لا يحصل فيه إلا ما قضاه الله وقدره، فالأزمنة لا دخل لها فيما يقدره الله سبحانه وتعالى. لقد وقعت في شهر صفر أحداث عظام وتواريخ جليلة، ومنها غزوة الأبواء، وهي أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه فتحت خيبر على يد النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يمتنعون من السفر في شهر صفر أو الزواج فيه أو الخطبة فيه أو إجراء العقد، وبعض التجار لا يمضي فيه صفقة تشاؤما به، وهذا كله من الطيرة المنهي عنها، وهو قادح في التوحيد. فمن تشاءم من ساعات أو أيام أو شهور أو أصوات أو طيور أو حيوانات أو رؤية أقوام أو أرقام أو من نعيق البوم والغراب أو رؤية الأعور والأعرج والعليل والمعتوب ونحو ذلك، فقد انخرم توحيده. قال صلى الله عليه وسلم: العيافة والطيرة والطرق من والطرق من الجبت. العيافة والطيرة والطرق من الجبت. روى ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك ثلاثا، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. فالتوكل على الله علاج للطيرة، فعلى المسلم أن يمضي فيما عزم عليه ويبعد عن وسواس الشيطان، ولا يستسلم لخطراته، ويوقن أن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، وأن القدر مكتوب لا ترده الطيرة. قال صلى الله عليه وسلم: من ردته الطيرة من حاجة يعني فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وذكرت الطيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. ومما أنكره بعض السلف رحمهم الله قول من سمع نعيق بومة خيرا إن شاء الله، فلا يقال خير ولا شر، بل هي تنعق كبقية الطيور. عباد الله، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفاءل ويعجبه الفأل والكلمة الحسنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قيل: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. فالكلمة الطيبة تعجبه صلى الله عليه وسلم لما فيها من إدخال السرور على النفس والانبساط والمضي قدما لما يسعى إليه الإنسان، وهذا مما يشجع الإنسان ويزيده طمأنينة وإقداما وإقبالا. قال ابن الأثير رحمه الله: إنما أحب النبي صلى الله عليه وسلم الفأل لأن الناس إذا أملوا فائدة من الله ورجوا عائدته عند كل سبب ضعيف أو قوي فهم على خير، وإن لم يدركوا ما أملوا فقد أصابوا في الرجاء من الله وطلب ما عنده، وفي الرجاء لهم خير معجل. أما إذا قطعوا أملهم ورجاءهم من الله كان ذلك من الشر، والطيرة فيها سوء ظن وقطع للرجاء وتوقع للبلاء وقنوط من الخير، وذلك مذموم بين العقلاء ومنهي عنه في الشرع. يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا فله. أنا عند ظن عبدي بي، فإن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا فله. ومما ينبغي أن يعلم أن الطيرة لا تضر إلا المتطير، والشؤم لا يضر إلا المتشائم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طيرة والطيرة على من تطير، وإن تك في شيء ففي الدار والفرس والمرأة. فالتشاؤم يقعد عن العمل ويصيب بالإحباط واليأس، فيظل أسير الأوهام والشكوك والظنون الفاسدة، ويفتح بابا للدجالين والكهان والعرافين والمنجمين، ومن استعان بهم في أمر يريده وقع في الشرك. ولن ينجي إلا ما كتب الله له. فاتقوا الله ووحدوه واحذروا من الشرك واجتنبوه، فإن الله تعالى قد يغفر للعبد جميع الذنوب إلا الشرك، فإن الله تعالى لا يغفره. يقول تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا مات العبد على الشرك فهو من أهل النار الخالدين فيها. عباد الله، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: عرضت علي الأمم فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الرهيت، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى عليه الصلاة والسلام وقومه. ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض صلى الله عليه وسلم فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله. وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه، فقال: السبعون الألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب هم الذين لا يرقون، ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة ابن محصن فقال أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. ثم قال رجل آخر فقال أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. فهذا بيان في هذا الموضوع، موضوع التطير، وهو مهم جدا ليفهم المسلم أهمية العقيدة وأهمية التوحيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، عباد الله، sachez que parmi les plus grandes obligations pour les hommes, c'est de connaître l'unicité d'Allah, le tawhid d'Allah, et de connaître également ce qui s'y oppose, c'est-à-dire le shirk, le fait d'associer avec Allah subhanahu wa ta'ala dans la croyance, le fait d'associer avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Également, parmi les choses qui s'opposent au tawhid, il y a les superstitions et les innovations. Et le tawhid, il faut savoir que c'est la base et le fondement même de la religion de l'islam. C'est pour cette base-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Et c'est à ça que tous les messagers d'Allah et tous les prophètes ont appelé. Et c'est la première chose à laquelle ils ont appelé leur peuple lorsqu'ils sont venus vers eux. Et le fait que nos œuvres soient acceptées, eh bien, c'est uniquement et principalement relié à cet élément-là et à ce fondement-là. C'est-à-dire que celui qui n'a pas réalisé et appliqué le tawhid d'Allah, ses œuvres ne seront pas acceptées d'Allah. Et celui qui a réalisé le perfectionnement de son tawhid, ce sera une des causes par lesquelles il va rentrer au paradis sans jugement et sans compte, sans châtiment. Sans jugement et sans châtiment. Serviteur d'Allah, sachez que parmi les choses qui opposent le tawhid, il y a les croyances que possédaient certains des gens de la Jahiliya et que certains suivent encore aujourd'hui, malheureusement, à notre époque. Parmi les innovations et les fausses croyances, et parmi celles-là, il y a qu'est-ce qu'on appelle en arabe at-tatayyur. Et on va expliquer qu'est-ce que signifie at-tatayyur. Et donc at-tatayyur, qu'est-ce que ça signifie? En fait, at-tatayyur, c'est le fait d'être affecté par les superstitions, les mauvais présages, de croire que certaines choses peuvent porter malheur, hein, et de croire que certaines choses peuvent amener des mauvaises augures. C'est ça en fait, at-tiyara. Et on peut inclure là-dedans la signification générale des superstitions. Et ça, c'est des choses qui existaient non seulement à l'époque de la Jahiliya, yani avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est quelque chose qui existait même auparavant, c'est-à-dire dans les nations qui ont précédé. Et parmi les exemples de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le Coran à ce sujet-là, le peuple de Salih, qui tenait des mauvaises augures à propos de Salih, quand il appelait à sa religion, quand il appelait au tawhid, quand il appelait à Allah subhanahu wa ta'ala, et quand il critiquait les idoles, et quand il condamnait le shirk. Alors le peuple de Salih a dit « اتطيرنا بك وبمن معك » On te voit, toi, ainsi que ceux qui sont avec toi, comme des porteurs de malheur, des sources de malheur, des oiseaux de malheur. De même que dans l'histoire que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne au sujet des prophètes qui ont été envoyés au village ou à la ville dans Surat Yassin, ils ont dit aux messagers qui leur ont été envoyés « قالوا إنا تطيرنا بكم Hein? Nous voyons en vous un mauvais présage, une mauvaise augure. Et ils ont même menacé de les lapider et de les châtier s'ils ne cessaient pas d'appeler à l'unicité d'Allah et à la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. De même que le peuple de Pharaon, ils ont pris mauvaise augure à propos de Moussa alayhi salam et ceux qui étaient avec lui. Et ils ont dit, hein, comme Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné à leur sujet, s'il y a un bien qui les touche, il dit, cela nous est dû. Et si un mal les touche, il dit, c'est à cause de Moussa et ceux qui sont avec lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur répond en leur disant, yani, que en vérité, leur sort dépend uniquement d'Allah, mais la plupart ne savent pas. Donc tout ce qui leur atteint, que ce soit du bien ou du mal, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne vient pas de Moussa. Et ça vient de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné. Et également, c'est le résultat de leurs œuvres et de leurs péchés. Lorsqu'ils ont désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils ont été châtiés pour ça, eh bien, ils ont payé les conséquences de leurs œuvres. De même que les koufars de la Mecque, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, ils ont également pris la da'wa du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme un mauvais présage, une source de malheur, une source de mauvaise augure. Et donc, ils lui attribuaient le mal lorsqu'un mal les touchait. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne, il dit, وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. Si un mal les touche, ils disent, ceci vient d'Allah. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ. Et si un mal les touche, il dit, cela vient de toi, ô Muhammad. قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. Dit, tout ce qui vous arrive et tout ce qui vous touche, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, à notre époque, on a aussi des hypocrites, des gens qui prennent des mauvaises augures, des gens de science et des gens de bien parmi les gens qui s'accrochent à l'islam et à la religion. Et ils disent, s'il y a des malheurs dans cette umma, s'il y a des malheurs dans les pays musulmans, c'est à cause des gens qui pratiquent l'islam, c'est à cause des gens qui s'accrochent à l'islam, c'est à cause des gens qui ordonnent le bien, c'est à cause des gens qui interdisent le mal. Et ils appellent les savants de l'islam et les prêcheurs à l'islam des gens qui sont rétrogrades et retardés. Et donc, ils prennent des mauvaises augures, parfois même de l'islam lui-même. Et ils disent, c'est à cause de l'islam que les musulmans sont en retard. C'est à cause des musulmans, c'est à cause de l'islam et de ceux qui s'accrochent à l'islam en particulier. Hein? Ceux qui pratiquent la sunna et qui s'accrochent à l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui s'accrochent à la sharia d'Allah, ils disent c'est à cause d'eux qu'on est en retard. Allahul musta'an. Et donc, ceux-là, ils suivent les mushrikins de l'ancien temps. Hein? Et ils sont sur la même voie qu'eux. Et ils ont la même animosité envers l'unicité d'Allah et le tawhid et envers la religion que les mushrikins d'avant. Parmi les exemples de ça, il y a les Rafidah, un Shia Rafidah qui détestent le chiffre 10. Et même des fois, ils ne vont pas construire un immeuble avec 10 piliers parce qu'ils considèrent que c'est une mauvaise augure à cause des 10 compagnons qui ont été promis au paradis. On a des exemples de gens qui ont des mauvaises augures en certains jours, en certaines heures, en certains mois, en certains chiffres. Hein? Et même ici, dans soi-disant les pays qui disent être civilisés et être modernes, il y a plein de superstitions qui perdurent de ce genre. Le chiffre 13, le vendredi 13. Dans certains immeubles, il n'y a pas même l'étage numéro 13, elle n'existe pas. Parfois, la porte numéro 13, elle n'existe pas. Et plein d'autres superstitions comme ça que certaines personnes ont. Et dans les pays musulmans, plein de superstitions. Hein? Ils disent, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Si tu fais ça, il va t'arriver ça. Il ne faut pas se peigner les cheveux la nuit. Il ne faut pas laisser le mushaf ouvert. Certains disent, si tu mets tes sandales à l'envers, il va arriver telle chose. Plein de superstitions comme ça qu'on entend. Et toutes ces superstitions-là font partie de ce qu'on appelle At-tiyara. De même que le pessimisme, le fait d'être négatif tout le temps et de voir toujours les choses de manière sombre et de manière négative et de penser qu'il va y arriver toujours que du mal et qu'il n'y aura jamais du bien qui va venir. Ça aussi, ça fait partie des mauvaises façons de voir les choses, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit ça. Et il a expliqué qu'on ne doit pas se baser là-dessus pour agir dans notre vie de tous les jours, de croire aux mauvais augures. Et le terme at-tiyara en arabe, ça vient de at-tayr, c'est-à-dire l'oiseau. Et pourquoi on appelle les mauvais augures et les superstitions tiyara en arabe? C'est parce que dans la jahiliya, les Arabes, par exemple, lorsqu'ils avaient planifié de faire un voyage quelque part, ils sortaient et s'ils voyaient un oiseau, par exemple, ou un certain oiseau qui allait dans telle direction, ils disaient « Ah, on ne doit pas voyager aujourd'hui, c'est mauvais augure. » S'ils voient, par exemple, un corbeau, ils disent « Ah, ça c'est mauvais augure, on ne va pas faire ce qu'on voulait faire, ça veut dire qu'on ne va pas avoir le succès. » Et donc ça c'est un exemple et c'est de là que vient le terme. Et c'est-à-dire de penser que certaines sortes d'animaux, certains jours, certains chiffres, certaines heures, certaines couleurs, certaines choses peuvent avoir un effet négatif sur notre vie en dehors de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné. Et en réalité, il n'y a rien qui sort de la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que At-tiyara, ça fait partie du shirk. Si tu t'empêches d'agir, tu t'empêches de faire ce que tu veux faire à cause de la crainte de certaines mauvaises augures ou de certaines superstitions ou de certains mauvais présages, eh bien ça rentre dans le shirk et ça prouve qu'il y a un manque de tawakkul, un manque de confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc tu ne dois pas laisser quoi que ce soit de ce qui peut se produire dans l'univers ou dans le monde parmi les choses que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestinées. Croire que c'est une source de mauvais présages pour t'empêcher de faire ce qui est bon et ce qui est bénéfique dans ta vie et dans ta religion. Parmi les gens de la Jahiliya, il y en a qui n'aimaient pas par exemple le mois de Safar. Ils n'allaient pas faire de mariage dans le mois de Safar. Ils n'allaient pas faire de voyage dans le mois de Safar. Ils n'allaient pas faire de contrat commercial dans le mois de Safar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a condamné ça. Et il a expliqué que ça fait partie de la jahiliya et que ça fait partie du shirk. De même que certains animaux comme par exemple la chouette ou le hibou ou des oiseaux de ce genre, certains ils ont des mauvais présages par rapport à ça. Ou bien parfois ils voient quelqu'un qui est handicapé ou qui est bossu ou qui est qui a un problème dans sa façon, comment il est créé, et puis eux ils prennent mauvais présage de ça. Ou il y a parfois quelqu'un qui est albinos. Ils pensent qu'ils portent malheur, ils ont peur de lui, et ils ont toutes sortes de croyances et de superstitions à propos des albinos. Il y en a même qui les mangent, ou il y en a qui les tuent, Allah al-Musta'an, parmi les gens de l'égarement. Donc, il faut savoir que toutes ces fausses croyances-là sont en contradiction avec la aqida du tawhid, en contradiction avec les fondements de notre islam. Et le remède de ça, c'est at-tawakkul, le fait de mettre notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et de repousser ces mauvaises choses. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il aimait al-fa'lu. Et quand on lui a demandé qu'est-ce que c'est al-fa'l, il a dit c'est la bonne parole. Donc, chaque fois qu'il voyait quelque chose de mauvais ou de négatif, il le remplaçait par quelque chose de bon et de positif. Quand quelque chose était un signe de mal, eh bien, il le remplaçait par quelque chose de bien. Il a vu une fois quelqu'un qui avait un nom qui était mauvais, il l'a remplacé par un bon nom. Et donc, c'est pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait tout ce qui était positif, tout ce qui était optimiste. Et donc, ça c'est parmi les exemples des enseignements de l'islam. Et certains parmi les koufars disent que c'est la science qui est venue enseigner aux hommes comment rejeter les fausses croyances et les superstitions. Et ça, c'est un mensonge également, puisqu'on voit que dans l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tout fait pour condamner les superstitions et les fausses croyances et de croire en toutes sortes de choses comme ça. Et juste un exemple à ce sujet-là, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu une éclipse lorsque son fils est mort, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Alors, quelqu'un parmi les gens ont dit, « Oh, regarde, messager d'Allah, même le soleil et la lune, ils sont tristes à la mort de ton fils. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Le soleil et la lune sont des signes d'Allah et qui n'ont rien à voir avec la mort de quelqu'un ou la naissance de quelqu'un. » C'est pour dire que ces choses-là ne sont pas reliées avec des choses de ce genre et pas croire en des superstitions de ce genre. Donc, alhamdoulilah, la religion du tawhid et la religion de l'islam, c'est, alhamdoulilah, la religion de la vérité qui appelle les gens à se débarrasser et à rejeter justement toutes les fausses croyances et les superstitions. Parmi les choses également, comme on a dit, que le musulman, il doit toujours avoir confiance en Allah, toujours avoir la bonne espoir, toujours avoir l'espoir que les choses vont aller bien et pour le mieux, et de penser du bien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné dans un hadith qudsi que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, « Je suis tel que mon serviteur pense à mon sujet. Tel qu'il pense de moi, c'est ainsi que je suis. Et donc, s'il pense de moi du bien, et il aura le bien. Et s'il pense de moi du mal, eh bien, il aura du mal. » Et donc, ça veut dire qu'il faut toujours penser du bien d'Allah subhanahu wa ta'ala pour que Allah subhanahu wa ta'ala te donne du bien, pense du bien de lui. Et ne sois pas pessimiste, ne sois pas négatif, ne pense pas toujours que les choses vont toujours mal, parce que al-aqibatu lil-muttaqin, la bonne fin est toujours pour les croyants. Et donc il faut avoir confiance en Allah, mettre sa confiance en Allah, avoir l'espoir en Allah, et que c'est de lui que vient tout le bien, et d'être optimiste pour l'avenir, et que l'avenir appartient aux musulmans et à l'islam, et que c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala qui aura la victoire. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين قوموا إلى صلاتكم.